Chapitre deuxième. Il était 1 heure du matin quand, cette nuit, je suis sorti de la maison de mon ami CH, le sculpteur. Il m'avait invité en bourse, au coup de 3 heures. Et sans grande façon, j'avais accepté car on s'amuse chez lui, et de plus, il m'avait annoncé la présence de Sarah Bell. J'ai immédiatement envoyé à ma femme un télégramme lui annonçant que je ne rentrerai pas dîner. Voici ce télégramme. Il est laconique. Ne pas m'attendre. Amitié. Puis je suis allé papoter un instant chez mon agent de change, régler quelques comptes, donner des instructions, et de là, je me suis rendu chez Rich, où jusqu'à 6 heures, j'ai causé de la meilleure humeur du monde avec mes camarades de café. En fait, très gai, tout à l'aise, enchanté de moi-même et joyeux d'avance de la bonne soirée promise. CH est venu me prendre à 6 heures, et bras dessus, bras dessous, nous sommes remontés, gaiement causeurs, jusqu'à son petit hôtel de la rue Fortuny. Temps superbe, un peu chaud peut-être, et légèrement énervant. J'éprouvais une agitation intime qui n'était point déplaisante. De quoi avons-nous parlé pendant cette promenade? De rien et de tout, d'art, de théâtre, de politique. Nos opinions ne diffèrent que juste ce qu'il faut pour pimenter la conversation de courtoises discussions. « Ah ça, m'a-t-il dit. Je te demande d'être raisonnable avec Sarah Bell. » Et comme je riais, « Ne fais pas l'innocent, a-t-il ajouté, je sais fort bien qu'elle te plaît, et que de son côté elle ne te voit pas d'un mauvais œil. N'est-elle pas charmante, délicieuse, adorable et spirituelle, jusqu'au bout des ongles, et entre nous, un vrai talent. Récemment, elle m'a montré dans son atelier des panneaux absolument réussis. Enfin, elle n'est farouche que par intermittence. Mais prends-y garde. Si jamais elle s'avisait d'aimer, sincèrement, sérieusement, elle serait d'une fidélité désolante. Prends garde, je te le répète, tu es un homme grave, un financier, un père de famille. Comment père de famille? Enfin, tout au moins marié, et tu as l'avenir devant toi, sois sage. Je me défendais en riant, répondant de moi-même, caution que mon camarade s'obstinait à trouver insuffisante. Réellement, cette Sarah Bell est une fille exquise, et quand, étant arrivée, j'ai regardé ses cheveux blonds, un peu ébouriffés, taillés à la mode garçonnière, ses grands yeux bleus pétillant de finesse, quand j'ai, de façon régence, effleuré ses doigts ronds et souples du bout de mes lèvres, j'ai éprouvé une impression délicieuse. Elle a des façons, bon enfant, qui me charment. Joyeusement, avec une franchise gamine, elle a voulu qu'à table je prise place à côté d'elle. Et pendant tout le repas, nous avons causé bas, comme de vieux amis. Dire que nous ne nous sommes moqués de personne serait mensonge. Nous nous sommes occupés des autres beaucoup plus que de nous-mêmes. Je me sentais d'ailleurs en verve. Et quand une discussion s'est élevée sur la prééminence de l'art et de la littérature, je me suis laissé entraîner à prononcer presque un discours, avec une facilité d'élocution, un choix d'expression dont j'étais surpris et ravi à la fois. Sarah Bell m'a applaudi à sa façon, du bout de sa bottine appuyée sur la mienne. Laurent le peintre a répondu très spirituellement. J'ai riposté. Notre hôte est intervenu, et bientôt la mêlée est devenue générale. Rien ne me plaît davantage que ces passes d'armes dans lesquelles on s'échauffe, se livrant tout entier, parant, rompant, avançant, frappant souvent au bon endroit. Alors seulement je me sens vivre, je rajeunis, j'ai des boutades d'enfants, des emportements d'étudiants. Et cela est exquis surtout quand, auprès de soi, une femme écoute, les lèvres entr'ouvertes comme pour aspirer, pour boire vos paroles. J'entends une jolie femme comme Sarah Bell, par qui on se sent compris et presque admiré. On m'a pris alors à partie. Est-ce que j'avais encore le droit de t'en pérorer, moi qui ai renoncé à la littérature pour me jeter dans la finance? On me renvoyait au report, au déport et aux primes. Transfuge de l'art, est-ce que je devais me permettre de prêcher encore pour le Dieu que j'avais renié? Tout cela dit naturellement avec gaieté et sans malveillance. J'ai protesté, affirmant que je n'ai rien abdiqué de mes ambitions. Seulement je ne crois pas à l'intuition, à la sens innée, et je ne veux pas, comme tant d'autres, peindre de chic une humanité que je ne connais pas, ou plutôt que je ne connaissais pas. La bourse est un microcosme, ou mieux, une ménagerie où la bête humaine se révèle en toutes ses incarnations. Je note les rugissements des fauves ou les miaulements des chacals. Je croque sur le carnet de mes souvenirs les impudences, les audaces, les hypocrisies et les lâchetés. Chaque vice a sa fiche, chaque vilenie a son feuillet, chaque passion a son compte courant. Un jour, j'établirai le solde, ce sera un livre. « Allons donc, » a crié quelqu'un, « tu parles trop ton livre pour l'écrire. »« Un livre est une maîtresse, tu es marié. »« Oh, si peu !» Et je ripostais crânement en regardant la blonde Sarah qui me sourit avec une sympathie non équivoque. Cependant, j'eus le bon goût, imité d'ailleurs par mes amis, de ne pas laisser la conversation sur ce terrain. Un instant après, on fit de la musique. Un jeune virtuose de 16 ans, d'origine hongroise et même un peu matinée de tzigane, joua avec un entrain endiablé. Nous nous étions réfugiés, Sarah et moi, dans un petit fumoir séparé du salon par une lourde portière orientale dont un côté était relevé, et là nous causions délicieusement. Cette femme a des traits d'un imprévu saisissant. Je l'excitais à parler, me complaisant au timbre de sa voix, qu'à des échos de clochettes lointaines. Elle me racontait son enfance alors qu'abandonnée par sa mère dans les rues de New York, elle avait failli mourir de froid et de misère. Puis, l'adoption inespérée par une famille louisianaise qui l'emmena en France, puis de nouveau l'isolement, l'abandon, par suite de la mort de ses protecteurs, enfin la révélation subite d'une vocation artistique, le travail lent, ardu, persévérant, et maintenant, qui sait, peut-être le succès décisif prochain. Je me laissais bercer par ce murmure si doux des confidences chuchotées. L'amitié naissait entre nous, cordiale, émue, mettant sa note enveloppante sur nos précédentes sympathies, qui ne se traduisaient jusque-là que par l'échange de gaieté taquine. Et tout bas, je me disais que Sarah serait une exquise compagne, qu'à voyager avec elle on trouverait, en une camaraderie d'intelligence, des révélations nouvelles et des sensations inconnues. Il m'était facile de m'absenter pendant 15 jours, 1 mois. Sans peser sur cette pensée, je savais que chez moi, l'annonce de mon départ ne provoquerait même pas une observation. En raison de l'indolence soumise, ou ce qu'alors j'appelais ainsi, de ma femme. Sarah me comprenait admirablement. Parfois, dans une observation rapidement lancée, elle me devinait, devançant ma parole, plus lente que sa préscience de mes propres idées. L'heure passait, passait. Je n'avais plus la notion du temps. Cependant, peu à peu, nos amis se retiraient. Nous restâmes seuls avec notre hôte. Je regardais la pendule, il était minuit. CH nous considérait en souriant, et je ne sais quelle pensée inexprimée nous fit rougir, Sarah et moi. Nous nous levâmes et prîmes congé. Elle demeurait à 2 pas de là, rue d'Aufémont. Elle prit mon bras et lentement, bien lentement, nous fîmes le chemin. Elle s'appuyait sur moi et parfois, si sa main glissait, je la ramenais, en la fermant, pour que la pression fût plus sensible. La causerie avait repris, avec des nuances d'intimité délicates. Nous nous arrêtâmes un instant devant sa porte. Puis, naturellement, sans que la proposition vînt de l'un ni de l'autre, nous nous remîmes à marcher, remontant et redescendant le long du trottoir, en une déambulation monotone, qui nous semblait ne jamais devoir finir. Nous ne parlions pas d'amour. Il y avait entre nous quelque chose d'innommé et de plus subtil, et les mots, en apparence indifférents, prenaient sur nos lèvres une saveur harmonique. Nos voûts avaient des douceurs de tutoiement. Quelques grosses gouttes de pluie nous rappelèrent à la réalité. Un orage commençait. Il y eut un éclair. Avec un cri d'effarouché, Sarah courut vers sa porte, et là je la vis, dans l'encadrement de pierre, sur le fond noir du panneau, se détacher, blanche et rose, avec le nimbe d'or de ses cheveux. Elle sonna, me tendit la main. Il y eut entre nous cette étreinte franche qui est à la fois un remerciement et une promesse, puis elle disparut. Traversant la rue, j'attendis un instant, désirant voir apparaître une lumière qui serait comme un dernier reflet d'elle. Je ne vis rien. La pluie augmentait. Par un hasard trop rare pour n'être pas signalé, une voiture vide passait et le cocher, gracieux, consentit à me prendre. Je ne voulus pas rentrer tout de suite chez moi. J'avais besoin de savourer le friand souvenir que j'emportais. Je me fis conduire au café américain et là, seul, en un coin choisi, je restai une demi-heure à peu près. Mais bientôt le bruit grandit, la foule envahit les tables, presque irrité, je sortis, et remontant dans ma voiture, je me fis conduire chez moi.